À l'occasion du 5e anniversaire du décès du général Kim Jong-il, des personnalités et formations de divers pays ont fait parvenir les messages et lettres au dirigeant suprême Kim Jong-un. Les destinataires sont le comité central du Parti démocratique travailliste d'Espagne, le président du comité central du Parti communiste népalais Centre Uni, le président du comité central Les communistes de Russie, le président du conseil suprême du nouveau Parti socialiste de Roumanie, le secrétaire général du Parti démocratique guinéen Rassemblement démocratique africain, le secrétaire général du Parti socialiste sénégalais, le président et le secrétaire international du Parti des travailleurs du Brésil, le co-administrateur général du Conseil du Fonds Kim Il-sung Kim Jong-il, le secrétaire général du Comité international de coordination anti-impérialiste et autres partis politiques, dirigeants et personnalités des milieux politiques, sociaux, militaires et économiques de divers pays, Syrie, Malaisie, Mali, Nigérien, Mexique, Vénézuélien, Allemagne, Grande-Bretagne et États-Unis. Il y a aussi les représentants des institutions internationales, des formations d'études des Zedjutsu et pour le soutien à la réunification de la Corée et l'amitié. Les destinataires y ont noté que le général Kim Jong-il, qui a accompli de grands exploits immortels pour la victoire de la cause socialiste et l'accomplissement de la cause d'émancipation de l'humanité, s'éternise toujours dans le tréfonds du cœur du peuple coréen et des peuples progressistes du monde. Ils se sont également exprimés convaincus que le peuple coréen obtiendra de plus grands succès dans la lutte pour continuer et parachever brillamment la cause du camarade Kim Jong-il sous la direction du dirigeant suprême Kim Jong-un. Par ailleurs, le comité central du Parti du Peuple du Cambodge, le secrétariat de la commission politique du comité central du Mouvement populaire de libération d'Angola et le secrétaire général du Parti communiste d'Australie ont fait parvenir les messages au comité central du Parti du Travail de Corée.